Il est midi 55 minutes. Évariste, Ndikomanyanga. Nous sommes mercredi 28 avril 2021. Bienvenue à ce journal édition spéciale de la mi-journée qui va axer sur la mise en application de l'ordonnance ministérielle de depuis 2019 portant réseau scolaire mise en application il y a plus de 2 ans. Quelle valeur ajoutée par rapport à l'ancien système? Quels sont les défis et quelles sont les perspectives d'avenir? Nous aurons à cette édition spéciale les avis et considérations des parents, des directeurs des écoles, le ministère de l'éducation et de la recherche scientifique ainsi que les partenaires à mairie en matière de l'éducation plutôt. La mise en onde est assurée par l'audio Annabella et Alphonse Kougiman. Plantons le décor dans ce journal par l'ordonnance ministérielle portant création, mission, organisation et fonctionnement des réseaux scolaires qui a été mise en place le 19 décembre 2019. Elle vise à un regroupement d'écoles appelé à mettre ensemble les ressources en vue de favoriser notamment la réussite scolaire. Le contenu de l'ordonnance avec Alain Désiré Boukenet. Les écoles sont appelées à se regrouper pour mettre ensemble les ressources humaines, matérielles, pédagogiques, afin de favoriser une meilleure réussite scolaire, éducative ainsi qu'un épanouissement culturel. Cette ordonnance ministérielle précise qu'un réseau scolaire est constitué de 4 à 6 écoles dans un rayon de 5 km. Le directeur communal de l'éducation ayant la prérogative d'apprécier la mise en place d'un réseau d'au moins 3 écoles en cas d'impossibilité de réunir plus de 3 à des distances trop longues. Il est ainsi constitué une école centrale en fonction de ses opportunités matérielles, entre autres les salles de rencontre, bibliothèques et laboratoires équipés, terrain de jeu, sans oublier des enseignants expérimentés et ou qualifiés. Il s'agit d'un système qui a pour mission de contribuer à la formation continue des enseignants, des maîtres responsables et des directeurs des écoles fondamentales. Le directeur de l'école centrale est responsable du réseau et adresse un rapport au directeur communal de l'enseignement dans 2 semaines qui suivent la semaine de l'animation au sein du réseau. Et le directeur communal coordonne les réseaux scolaires de son ressort et rend compte au directeur provincial de l'enseignement le mois qui suit la réception des rapports des réseaux scolaires. Le directeur provincial, quant à lui, transmet son rapport au secrétariat permanent du ministère à la fin de l'année scolaire. Cette ordonnance ministérielle montre que la direction générale des Kilikula et celle de l'enseignement fondamental et post-fondamental sont chargés respectivement du suivi, accompagnement pédagogique et administratif. Le directeur d'une école centrale est tenu d'organiser avec ses collègues d'école en réseau une réunion d'évaluation des activités de l'année scolaire écoulée avant le début des grandes vacances. C'est le même cas. Avant le début de l'année scolaire, les directeurs et les enseignants sont appelés à se rencontrer pour la mise en place des plans d'action et cela sur base des besoins exprimés par les enseignants. En réseau scolaire comporte un animateur qui est un enseignant élu pour ses qualités morales, sociales, intellectuelles et ses compétences professionnelles. C'est ainsi que les séances d'animation peuvent être l'organisation de la matière, préparation et stimulation des leçons, mise à niveau scientifique, renforcement des connaissances, choix des évaluations et les remédiations à opérer. De plus, tous les enseignants et directeurs doivent participer aux activités organisées dans les réseaux scolaires. En outre, chaque réseau est appelé à organiser une journée culturelle, sportive et entrepreneuriale une fois l'an. Il ressort de cette ordonnance que ce qui n'est pas prévu sera réglé par voie d'instruction. Merci Alain Désiré Boukenéza pour tous ces détails. L'ordonnance ministérielle donc a été déjà mise en application, ça fait déjà plus de 2 ans cela. Cependant, la province scolaire de Karoussi passe 3 années se classant la première dans le pays. dans les évaluations organisées au niveau national, concours national de 9e année et l'exeta de fin des humanités. À la direction provinciale de Karoussi, les responsables disent être satisfaits du pas franchi dans l'enseignement. Ils font savoir que c'est le résultat de la responsabilité et dévouement de tous les intervenants dans l'éducation dans cette province. Il signale l'organisation des évaluations collectives à des différents niveaux, le travail en synergie et l'évaluation d'ensemble pour analyse des résultats obtenus dans les différentes évaluations organisées. Les détails avec Blaise Pascal Kararmi. À la direction provinciale de l'enseignement de Karoussi, les responsables disent être satisfaits du pas marqué, occupant la première place dans les évaluations nationales, le concours national de 9e année et l'exeta de fin des humanités. Sera durant les 3 années successives. Entre autres activités qui ont permis d'arriver à cette étape, ces responsables de l'éducation parlent des activités de sensibilisation, sensibilisation de tous les intervenants de ce secteur, à savoir le personnel, les parents, les élèves et les responsables administratifs. Ces responsables scolaires affirment que cela a permis que chacun de ces intervenants puisse exercer ses fonctions avec dévouement, que ce soit l'encadrement de proximité du personnel et des élèves, l'amélioration des prestations en classe et le travail en synergie. Ils indiquent que c'est cela qui expliquerait la réussite de l'organisation des différentes évaluations qui sont données à différents niveaux scolaires, tels que au niveau de la direction de l'école, les écoles proches qui font en réseau scolaire, au niveau de toutes les écoles qui font la direction communale et au niveau provincial, et l'évaluation étant le test provincial. À chaque niveau, les enseignants, les représentants des élèves, les représentants des parents et les directeurs se mettent ensemble dans une réunion d'analyse et d'évaluation des résultats, une réunion à partir de laquelle ils mettent ensemble des solutions pour des problèmes rencontrés afin que ces problèmes ne reviennent plus. Pour les classes de 9e année et les finalistes des humanités, il se crée des commissions provinciales qui organisent des évaluations appelées pré-concours pour les 9e années et le pré-exeta pour les finalistes. Ces travaux ont été organisé durant ce mois d'avril. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. De Karoussi, revenons sur Bujumbura, la capitale économique, où les parents des élèves de différentes écoles de la mairie s'inquiètent des points obtenus par leurs enfants au cours du second trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Certains de ceux qui se sont exprimés sur nos micros ce mercredi estime que le système d'examen en réseau a surpris les élèves, alors que d'autres pensent à une mauvaise organisation de ce système. Je vous propose de les écouter. Au trimestre passé, le a eu 46% des points. Celui qui a essayé a eu 53%. Et j'ai constaté qu'il y a eu changement d'accumulation d'apprentissage. Peut-être qu'ils ont eu peur après avoir entendu qu'ils feront des examens de réseau. Les concernés penseraient à une nouvelle organisation à tel point que les enfants soient prêts à faire ces examens. Dans les interrogations, on voit les notes un peu satisfaisantes. Mais quand ils arrivent dans ces examens de réseau, on a vu un grand écart. Moi, je pense que quand l'enfant entend l'examen de réseau, il voit le concours. Mais nous, à notre époque, quand nous étions en train de faire le concours, on tremblait trop. Même on suait. Il faut que le parent continue à faire son effort pour que l'enfant sache de plus. Il faut que les enseignants et les professeurs continuent leur travail comme il faut. Ceux qui choisissent l'examen, il faut qu'ils choisissent suivant la capacité intellectuelle des enfants de nos jours. Nous demandons à l'État d'aller superviser si la matière est bien exploitée et bien enseignée. Je peux dire que les notes que mes enfants ont obtenues sont inférieures à ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Mais pour moi, je ne peux pas dire que c'est un choc. Vu que c'était peut-être la première fois que ce genre d'examen est organisé, je pense que nous pouvons donner le temps aux organisateurs pour qu'ils puissent aussi améliorer la manière dont la passation s'est passée. Comme c'était une première expérience, je pense qu'on peut passer patienter et voir ce que ça sera dans les prochaines occasions. Sinon, comme on le dit en Kirundi, Mouhini Mouchache Teramababu, je pense que ce n'est pas aussi la première fois que des écoles passent des examens de réseau, parce que les écoles participent aux examens de concours national. On voit aussi des tests cantonaux qui sont organisés assez régulièrement. Donnons-leur du temps pour qu'ils puissent aussi s'améliorer, pour que les écoles puissent prendre les stratégies nécessaires pour qu'ils puissent améliorer le rendement de leurs élèves, pour que tout le monde puisse participer au processus et que nos enfants puissent avoir vraiment un rendement meilleur. Malgré les indignations de certains parents en mairie de Bujumbura, certains directeurs des écoles en cette localité ont précisé que ce système a poussé des élèves à faire des efforts pour étudier et aux enseignants d'acquérir d'autres compétences et connaissances pour dispenser les cours. Le manque de matériel et moyens financiers sont quelques défis déjà observés dans ce système de travail en réseau. On écoute ces responsables des établissements scolaires au micro de Jean-Marie Mayonka. Ce système a une valeur ajoutée parce que si un élève sait qu'il sera évalué par donc un autre enseignant qui n'est pas celui qui l'a enseigné, donc il essaie de travailler, de créer, de rechercher ici et là. En général, il se documente. Mais on a vu que pendant la passation des examens, il y avait des examens où il y avait des erreurs. Comme ce système était nouveau, donc nous espérons qu'il sera amélioré si on essaie de voir comment on a choisi les examens. Examen du troisième trimestre. Donc, chacun enseignant a choisi son propre examen avec une grille, avec bien sûr un questionnaire. Il fallait qu'il soit là parce qu'il n'y a que des avantages. Il y a l'enseignant qui doit aussi s'allier aux autres pour trouver solution aux différentes difficultés qu'il rencontre. Il apprend aussi comment il peut enseigner tel cours, telle leçon selon les problèmes qu'il a rencontrés, par exemple. Côté élève, l'élève, il sait qu'il est en compétition avec les autres. Donc, il doit fournir beaucoup d'efforts pour ne pas être le dernier, pour avoir beaucoup de points. Et en réussissant, c'est l'école aussi qui réussit. L'enseignant doit terminer le programme parce qu'on insiste à ce que le programme soit terminé. Les examens qu'on donne portent sur tout le programme du trimestre. Concernant en fait les égalités, ces corrections qu'on faisait à tout moment, des fois on ne trouvait pas la solution directement. Mais cette fois-ci, on va même prendre des gens qui seront toujours à l'écoute pour recueillir différentes réclamations au niveau des groupes. Les enseignants, pour le moment, sont donc stricts quant à l'avancement des programmes. Les enseignants sont obligés d'être au même niveau quant à l'avancement des programmes, mais aussi ils sont vigilants pour le choix des questions. Nous avons déjà constaté que les élèves fournissent plus d'efforts qu'auparavant. Et pour le côté négatif, je peux signaler le coût élevé de ces examens pour la multiplication surtout. Un autre défi, c'est que nous n'avons pas même des outils pour faire ce travail à réseau parce que c'est très peu d'écoles qui disposent des outils informatiques. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Place aux réactions. La coalition Bafashevig demande que le réseau scolaire soit bien organisé pour que les écoles partagent ce qu'ils ont comme matériel didactique. Le vice-président de la coalition Bafashevig, Kassien Gachilahamge, apprécie l'organisation des réseaux scolaires car les écoles partagent des expériences. Vous qui se remarque une insuffisance des supports didactiques et des enseignants qualifiés, on écoute. Nous apprécions très positivement l'organisation des réseaux scolaires parce qu'en fait, nous remarquons qu'il y a une insuffisance des enseignants qualifiés aussi du matériel didactique et des sports pédagogiques. En fait, nous nous disons que si les écoles se mettent ensemble, peut-être qu'ils peuvent partager des sports pédagogiques et aussi partager l'expérience. Il y a des enseignants peut-être qui sont compétents, qui sont expérimentés, qui peuvent aider les autres qui ne le sont pas. Cependant, nous sommes inquiets de l'organisation de ces réseaux scolaires. Est-ce que les éléments aussi de l'équipement, parce que s'il s'agit de partager, il faut partager ce qu'on a. Est-ce que toutes les raisons des professeurs et des enseignants qualifiés, est-ce qu'ils ont des équipements? C'est ça le problème. Des examens, aujourd'hui, il y a des homos face aux examens, mais c'est pas la première fois que en fait, les écoles fassent des examens en commun. Là, nous aussi, les tests nationaux, comme le concours, le test à la fête des humanités, on organisait déjà des tests communaux ou des tests provinciaux. Mais l'inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a tricherie, surtout ici, à Mérida Bujumbura. Nous lançons un crédit pour les organisateurs. Il faut être vigilant pour que les examens ne soient pas volés. Et notre inquiétude, c'est que, en fait, ceux qui volent les examens, peut-être, je ne le sais pas, que ça serait des écoles ou des enseignants qui ont peur, en fait, de leur niveau d'enseignement, qui veulent faire croire que les écoles ont réussi l'examen alors que c'est faux. Toujours au chapitre des réactions, cette organisation du système éducatif en réseau n'est pas du tout mauvaise, mais a besoin d'être améliorée. C'est du moins l'analyse de Pierre Clavet Kandabadze, professeur d'université, expert pédagogue, qui ajoute que la mauvaise performance observée dans certaines écoles est due en grande partie au niveau faible des élèves et à la mauvaise qualité des enseignements transmis. Écoutez-le au micro d'Armel Moutour. Il se remarque que les performances enregistrées au niveau des évaluations en réseau scolaire ne sont pas suffisantes, chose qui paraît un peu normale. Et parce que les écoles ne sont pas au même niveau. Certains élèves qui entrent au quatrième cycle de l'école fondamentale accusent un niveau faible. Et alors normal que ces élèves accusent même de mauvaises performances lors des évaluations externes. Par contre, dans certaines écoles, cela ne pose aucun problème. Les élèves qui sont dans lycées publics état, même dans lycées communaux, ça ne cause pas aucun problème parce qu'ils ont un niveau. Les élèves qui sont orientés, n'est-ce pas, dans les sections organisées par l'école post-fondamentale, certains n'ont pas un niveau parce que nous avons un très grand effectif et les sections organisées par notre système éducatif sont très limitées. Et aussi, on peut se demander pourquoi dans tel établissement on est premier en classe et à examen externe, on a zéro. Et c'est parce que certains enseignants, effectivement, n'évaluent pas les objectifs d'apprentissage, mais évaluent suivant le niveau de la classe. Or, dans la classe, il y a toujours le premier et le dernier. Alors, ce système vient pallier au système d'équité qui caractérise les systèmes éducatifs. Concernant la tricherie, on a remarqué des tricheries, mais quand même, il faut dire, ce sont des cas isolés. Ces cas ont toujours existé, ce sont des cas à décourager. Pourquoi ces vols? En fait, ces directions qui organisent des vols systématiques ou soit isolés, ils ont peur du lendemain. Ils gagnent leur vie grâce aux revenus issus des frais de scolarité. Ils tentent de montrer aux parents que l'école est une école excellente, où les élèves obtiennent de très bonnes performances. Pour d'autres écoles publiques, il y a une loi qui dit que si une école n'atteint pas tel pourcentage aux examens externes, le directeur sera, n'est-ce pas, démis de ses fonctions. Il y a une peur d'être démis. Je pense qu'il faut que ces directeurs qui s'écartent des normes de la déontologie professionnelle soient démis de leurs fonctions. Parce que, en fait, on invite les enfants à ne pas travailler. Comment ces enfants vont-ils faire un effort? Or que la vie est bâtie sur des obstacles qu'il faudra dépasser. Grâce à quoi? Grâce aux compétences qu'on a acquises à l'école. On est au début. Et parfois, tout changement cause des problèmes. C'est pas si facile vraiment d'adhérer très rapidement. Normalement, ces évaluations en réseau ont été organisées pour inciter les enseignants, les élèves, les directions de tout système, n'est-ce pas, à travailler. Mais si on se met à l'œuvre et que les résultats sont médiocres, il faut se demander le pourquoi. C'est la question, c'est le nœud du problème. C'est ça, en fait, ces résultats devraient nous amener là. Et je pense que dans l'avenir, il y a une nette amélioration dans leur organisation. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique trouve que les écoles de la mairie de Bujumbura ont tardé à appliquer le système des écoles en réseau. André Nduimana, professeur d'université, directeur général des curricula et formation pédagogique au sein de son ministère, précise que l'instauration du système de réseau scolaire vise à s'assurer que la matière prévue a été dispensée. On l'écoute. Nous avons constaté que au Burundi, les écoles n'ont pas les mêmes potentialités, surtout avec la venue des lycées communaux. On a vu que les lycées communaux étaient mal équipés. Alors que à côté, il y avait des écoles qui pouvaient, si vous voulez, mutualiser les équipements, les laboratoires, et mutualiser aussi les ressources humaines. Mais avec l'objectif de relever la qualité des enseignements. C'est en vigueur depuis 2019 et les examens en réseau, ce n'est qu'une activité parmi d'autres qui peuvent être organisées. Il y a des provinces comme la province de Karoussi, la province de Moyinga, un peu partout les examens se font en réseau et je vous dirais qu'ici à Bujumbura, c'est la première année où ces examens se passent en réseau, mais ailleurs, c'est une pratique qui a fait ses résultats déjà. Il faut que vous puissiez comprendre pourquoi on a voulu, si vous voulez, commencer les examens en réseau ici à Bujumbura. C'était pour s'assurer que dans toutes les écoles, la matière qui est prévue pour le trimestre a été effectivement vue. Ça permet d'évaluer le travail des enseignants et l'état d'encadrement des écoles, ça veut dire les directeurs qui suivent effectivement leurs enseignants. Ce système va promouvoir, si vous voulez, la régularité des enseignants quant au respect des contenus matières et des méthodes d'enseignement recommandées par le ministère. Cette méthode, si vous voulez, d'évaluation en réseau permet d'éviter le monnayage des notes observées dans beaucoup d'écoles. Il y a dans certaines écoles où les enseignants distribuent des points, qui échangent les points contre l'argent ou contre quoi. Il y a aussi des écoles qui délivrent des diplômes sans que les lauréats aient la compétence voulue. Je vous donnerai l'exemple où vous pouvez voir une école qui donne 150 diplômes de niveau A2 et lorsque il vient l'examen d'État, vous voyez qu'il n'y a même pas 10 personnes qui ont eu 50%, alors qu'ils ont les diplômes. Ça veut dire que le programme n'est pas suivi, ou bien ils n'ont rien appris du tout. Alors c'est pour cela que nous voulons suivre effectivement que les programmes suivis sont mis en exécution. Ce système permet de faire avancer les élèves qui le méritent. Ce cadre du ministère de l'Éducation déplore les cas de tricherie qui ont été rapportés au cours du deuxième trimestre. Il ajoute que le ministère a désigné une équipe pour établir des responsabilités des uns des autres dans ce mal qu'ils doivent éradiquer dans le système éducatif burundais, comme à l'accoutumée, place à la chronique N. Parle, rassure-moi. La prolifération des messages haineux peut être due à plusieurs raisons, dont la vengeance entre différents groupes suite aux tensions anciennes qui n'ont pas été résolues. Jérôme Nyandima, journaliste et travaillant dans le domaine de la résolution des conflits, trouve qu'avant de partager toute information, il faut d'abord vérifier sa véracité à travers différentes sources fiables. Le rôle est de tout un chacun dans la lutte contre la prolifération des messages haineux, plus particulièrement l'organe en charge de réguler l'information et à la communication, l'État avec Cornel Amouchou. Un problème lié à des intérêts ou des conflits anciens entre deux groupes sont généralement à l'origine de la prolifération des messages haineux en ternissant l'image de l'adversaire. Jérôme Nyonzima, journaliste travaillant dans le domaine de la résolution des conflits, signale que ce sont ces mêmes raisons qui font qu'il y ait des acteurs inactifs dans la société. Vous pouvez trouver des gens qui sont de nature indécis. Et ces gens qui sont de nature indécis, qui sont toujours là, qui disent, il faut pas que les gens se rendent compte que c'est moi qui ai divulgué cela, ils vont rester inactifs et ils vont attendre ce qui adviendra. Et même s'il y a des conséquences, ils vont dire, il faut pas que les gens m'indexent, ils ont perdu candidaton, etc. Et ces gens-là, ils sont très dangereux parce que ils se cachent derrière les stéréotypes et les préjugés. Et il y a une autre raison, c'est quand les gens y trouvent des intérêts. Une diffamation peut être diffusée et les gens pensent que vous êtes en train d'injurier leur ennemi, ils vont dire voilà, c'est bien, on va pêcher dans l'eau trouble. Si rien n'est fait, ces conflits mal gérés peuvent conduire aux violences de masse. D'abord, il se crée de la haine. Et quand la haine est créée, ça veut dire qu'il y a des conflits. Et des conflits qui sont mal gérés peuvent conduire jusqu'à la violence. Et le plus souvent, c'est que on commence à imaginer l'auteur de son message. Et on commence à faire des jeux d'alliance. Il y en a qui se rangent de son côté, d'autres qui se rangent du côté adverse. Et maintenant, si le groupe qui se sent visé, qui se sent marginalisé, qui se sent malmené, peut décider de contre-attaquer. Et il peut y avoir de la violence. Ou même en dehors de la contre-attaque, à un certain moment, il peut se créer un cycle de vengeance. Selon toujours Jérôme Nyondima, il faut d'abord consulter les différentes sources et détecter la véracité de l'info avant de partager. Il signale que toute vérité n'est pas bonne à partager, car certaines peuvent créer des tensions. Les internautes doivent être capables de discerner la vraie information du mensonge. Ça veut dire que maintenant, ils doivent passer par la vérification à travers toutes les sources possibles et voir est-ce que cette information est vraie, est-ce que cette information est au service de la vie, est-ce que cette information sauve ou c'est une information qui détruit l'unité, qui détruit la réconciliation. Et ça, ils doivent le faire avant même de transférer le message. Parce que généralement, les gens lisent par Internet, sur les réseaux sociaux, ils reçoivent un message et ils transfèrent, ils essaient de propager. La multiplication des témoins actifs devrait passer par des efforts conjugués de différentes catégories. Il cite, entre autres, les journalistes, les techniciens de l'information Internet, le ministère en charge de l'information et celui ayant la sécurité dans ses attributions. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition qui axée sur un seul sujet, l'évaluation de la mise en application de l'ordonnance ministérielle de depuis 2019 qui portait un réseau scolaire mis en application il y a plus de 2 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour sa mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.